Aïe, putain de bien, depuis que je vais au pouce. Et tant gamin, je n'ai jamais manqué de rien. Je veux voir tout ce que je me couvre. Chaque fois toujours plus pauvre, et pourtant j'ai des airs de ceinture. J'ai dû prendre au moins 15 kilos. À part le coffre et dans le demi We'll be right back.